Au sport. Le 24 février, dans la Ligue de hockey sans contact juvénile, Louis Saint-Laurent reçoit la Fontanière de Quaticook à 16h à l'Aréna Robert-Fournier d'Istingus.